Donc, bonjour à tous. Je voudrais commencer également par remercier les organisateurs pour avoir mis en place ces journées consacrées au réseau et pour m'avoir permis d'y participer. Je tiens également à préciser que l'objet de mon exposé ici concerne une partie d'un travail de doctorat qui est consacré à l'histoire des négociants dauphinois donc sous la Révolution des années 1780 à la fin des années 1820, et que donc le but de ma présentation concerne simplement une partie de ce travail, partie qui constitue un ensemble de démarches en cours d'élaboration. Donc je ne viens pas ici avec des conclusions définitives, loin s'en faut, mais plutôt avec une série de questions, d'hésitations, que reflète d'ailleurs l'évolution au passage du titre de ma communication, que j'ai donc modifié par rapport au programme initial. Je souhaiterais donc revenir sur cette question de l'application de l'analyse de réseau en tant que méthode, prenant pour objet donc des trajectoires sociales, ou plus précisément la représentation de ces trajectoires sociales au sein du groupe des notables dauphinois, disons pour simplifier. Je vais expliquer le rapport entre cette approche et le sujet de ma thèse. Je procéderai dans cette perspective en deux temps. Tout d'abord, je vais effectuer une présentation synthétique de la source archivistique ou des sources archivistiques sur lesquelles je m'appuie. J'exposerai également, là aussi de façon synthétique, les questions que je me pose à propos de cette source, et auxquelles je vais essayer de répondre. Ensuite, dans un deuxième temps, je ferai le point, au fond, sur les méthodes que j'ai employées pour exploiter cette source et l'apport de l'analyse des réseaux dans cette approche. Alors, voilà le type de documents sur lesquels je travaille. Donc, il s'agit en fait de sources, de listes de notabilité qui ont été établies au début du 19e siècle, dans les premières décennies du 19e siècle. Alors, ça fait partie des documents que j'utilise parallèlement à de la documentation fiscale, documentation fiscale révolutionnaire ou d'ancien régime, afin de retracer les qualifications successives des négociants et plus largement des commerçants dauphinois que j'étudie donc à l'intérieur de la province. Parmi ces documents, on retrouve des listes de notabilités qui ont été publiées dans les trois départements issus de l'ancien Dauphiné, publiées aux alentours de l'année 1810. Listes de notabilités qui présentent l'avantage, la particularité, dans les trois départements concernés, donc Drôme, Hautes-Alpes et Isère, donc qui présentent la particularité de recenser les individus, d'assigner à chaque individu de la liste une qualification précise et également de préciser les qualifications successives assumées par l'individu avant 1811. Alors voilà ce que cela donne plus précisément. Donc ici, c'est une reproduction de la liste des notables départementaux de l'Isère. Il existe pour chaque département une double liste, une liste des notables départementaux, une liste des notables communaux. Alors pour cette présentation, je me suis concentré uniquement sur la liste des notables départementaux de l'Isère pour des raisons de commodité, et je compte explorer en fait les autres listes dans un futur proche. Je vais ici m'intéresser tout particulièrement au rapport entre ces qualifications professionnelles ou fonctions actuelles décrites par ces listes, et les qualifications professionnelles ou fonctions depuis l'entrée dans la société. Donc l'analyse de réseau que j'applique ici prend pour objet non pas des individus, mais ces qualifications, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, il faut tout de même effectuer quelques précisions sur la manière dont ces listes ont été réalisées. Alors, par chance, on conserve non seulement l'état final de chaque liste, mais également toute une série de documents qui ont servi à l'élaboration de ce document final, de la liste de notables finale. Ces documents consistent à la fois en une série de brouillons qui ont été rédigés en fait par les autorités locales au niveau des cantons, mais aussi au niveau des municipalités selon les cas. On conserve également les listes corrigées avant d'être ainsi recopiées sous leur état final. Nous conservons par ailleurs une partie des courriers échangés par les différentes administrations et des instructions concernant la construction de ces listes. Du coup, on peut mieux percevoir la façon dont les qualifications ont été assignées à chaque individu. En fait, nous avons affaire ici à des désignations qui relèvent dans une large mesure d'auto-désignations effectuées devant les responsables administratifs locaux. Donc, au fond, les qualifications qui sont utilisées dans cette source reflètent essentiellement la façon dont les individus ont pensé leur propre qualité et se les représenter donc, face aux autorités publiques locales. Il n'existe pas de nomenclature a priori qui aurait été appliquée à cette population. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retirer en fin de compte, de cette source. Certainement pas une étude objective neutre des qualifications successives, des désignations successives ou des fonctions successives de chaque individu, de chaque notable. Ce qui m'a intéressé dans la source, c'est précisément le fait qu'elle nous donnait accès à une représentation de la qualification au moment où la source a été composée, au moment où les informations ont été compilées, donc au début des années 1810, mais aussi qu'elle offrait une mise en scène, une représentation également de la carrière de chaque individu. Il faut signaler que parmi ces qualifications, on retrouve non seulement des désignations que nous qualifierions aujourd'hui de professionnelles, donc qui semblent renvoyer a priori à des fonctions, en fait ce n'est pas tout à fait le cas, mais je passe un peu rapidement sur ce sujet, mais on recense également des titres, par exemple des références aux titres nobiliaires détenus par tel ou tel individu, ainsi que des références aux fonctions publiques qui ont été assumées par les différents personnages. Ces qualifications utilisées dans la source sont particulièrement nombreuses. Si on fait le total des qualifications actuelles et des qualifications anciennes, on parvient à un ensemble d'environ 200 qualifications différentes. Alors, à l'origine, pour étudier ce document, j'avais prévu de m'appuyer sur une étude qui, au fond, se fondait sur des présentations graphiques assez simples, sous forme de tableau, où j'indiquais, au fond, à partir de pourcentages, les différentes trajectoires suivies par chaque individu. Comme mon sujet portait donc sur les négociants dauphinois, je me suis intéressé en priorité aux négociants et plus largement aux commerçants. Donc, il y avait trois qualificatifs commerciaux disons, qui revenaient dans les sources, négociants principalement, marchands, commerçants. Et pour chacun de ces qualificatifs, j'essayais de retracer à chaque fois la trajectoire ou la présentation de la trajectoire sociale de chaque acteur. Le problème qui m'est apparu assez rapidement, c'est que, au fond, à travers cette démarche, je pouvais, par exemple, préciser que 20% des anciens négociants étaient devenus propriétaires, mais que cette proportion n'avait pas grand sens en soi, qu'elle ne prenait sens que dans la mesure où on la comparait au reste des notables et à d'autres sous-groupes sociaux en particulier. Donc, il fallait que je trouve un moyen pour tenter d'appréhender les trajectoires ou la représentation des trajectoires donc, des négociants et des commerçants à l'intérieur des trajectoires des autres notables. Pour ce faire, il fallait renoncer au principe donc, d'un tableau, par exemple d'un tableau à double entrée qui aurait été totalement inenvisageable, sauf à agglomérer les différentes qualifications utilisées dans la source, ce qui n'était évidemment pas mon but, puisque je souhaitais m'efforcer, au contraire, de mieux comprendre ces qualifications, disons, indigènes. Donc, il fallait que je conserve les qualifications d'origine. C'est dans cette perspective que j'ai pensé utiliser l'analyse de réseau pour mieux comprendre le rapport entre qualifications actuelles et qualifications anciennes. Donc, en fait, j'ai effectué la liste des liens entre ces qualifications donc, et à partir de là, j'ai construit un graphique sur le principe qui est exposé ici. Donc j'ai construit un réseau orienté en assignant à chaque arc du réseau une valeur en fonction du nombre de trajectoires du même type que j'observais. Alors, en définitive, j'obtiens un graphique de ce type, donc, qui n'est pas exceptionnellement lisible, qui en plus ici est présenté sous une forme très simplifiée, donc sans tenir compte des pondérations assignées à chaque arc. Un graphique de ce type qui tout de même permet quelques manipulations, mais qui en soi n'a pas forcément grand intérêt. Ce qui m'a intéressé en revanche, c'est la comparaison de sous-réseaux pardon, à l'intérieur de ce réseau global. Donc j'ai isolé, par exemple, des sous-réseaux en fonction des qualifications que je ciblais, par exemple ici, les qualifications liées aux acteurs commerciaux. Et j'ai également distingué des sous-réseaux en fonction du niveau de richesse des notables que j'étudiais, en essayant là de comparer la densité de ces sous-réseaux avec soit la densité du réseau global, soit la densité d'autres sous-réseaux. Donc c'est une première méthode que j'ai utilisée, je voulais profiter de ces journées justement pour mettre à l'épreuve ces méthodes parce que j'ai encore quelques incertitudes sur leur bien fondé. Et donc, la première méthode que j'ai voulu expérimenter, c'était de comparer les densités des différents sous-réseaux entre elles pour voir en fait dans quelle mesure, avec quelle intensité on assistait à des glissements entre les divers qualificatifs utilisés en fonction donc de critères relatifs à la richesse des individus, et je projette d'élargir les critères retenus à d'autres variables. Par exemple, ici, on observe que la densité du réseau constitué des 25% des notables les plus fortunés de la liste, cette densité est supérieure à la densité globale, donc ça semble indiquer une meilleure circulation entre les différentes qualifications, disons, même si cette densité reste relativement faible, comme vous pouvez le constater. Outre ce recours à la notion de densité, je me suis également intéressé aux différents sous-réseaux que l'on pouvait observer à travers des algorithmes donc, proposés par le logiciel PAGEC que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé la méthode de block modeling qui permet en fait de différencier les qualificatifs qui sont présents à l'intérieur du réseau, donc les différents sommets du réseau, en fonction des relations qu'ils entretiennent avec les autres sommets. Voilà le résultat auquel je suis parvenu pour le moment. Résultat qui permet d'ores et déjà de distinguer plusieurs donc, groupes de qualificatifs. Vous pouvez observer donc en bas du graphique présenté ici un certain nombre de qualificatifs qui se révèlent particulièrement attractifs au cours de la période considérée, donc propriétaire, avocat, maire, etc. En haut du graphique, un second groupe qui est composé de qualificatifs qui sont utilisés pour désigner les carrières passées des individus, mais qui relève donc de carrières passées essentiellement, et donc le groupe de gauche qui m'intéressait particulièrement, parce que c'est là qu'on retrouve les négociants, qui est constitué plutôt de qualificatifs, disons, de transition, qui sont à la fois récepteurs de flux et émetteurs de flux, si je puis m'exprimer de cette manière. Donc, en conclusion, ces quelques perspectives plutôt méthodologiques que j'ai employées me semblent ouvrir sur des perspectives qui sont intéressantes pour mon sujet, qui sont intéressantes pour mieux comprendre donc, la mise en scène, la représentation des trajectoires sociales, des carrières sociales, des carrières statutaires par les acteurs que j'étudie. Cela me permet d'envisager le groupe que j'étudie particulièrement, donc le groupe des commerçants, dans un contexte plus large, dans un contexte plus global, contrairement aux méthodes que j'utilisais auparavant. Cela dit, donc, étant donné les propres lacunes, mes insuffisances également théoriques quant à l'analyse des réseaux, je ne suis pas encore certain de ces pistes, donc je n'ai pas de conclusion complètement arrêtée, malheureusement, à vous proposer ici. Voilà, je vous remercie.